Ok, j'écris car je suis à bout, car ici tout est misérable. Ils sniffent des grammes, c'est pas l'idéal, mais bon, on vise les plaques. Les Schmitt débarquent, ils ont cassé ta porte et ont pris tes parts. Ils plient des bars, ta famille pleure et toi tu visites les stars. Je suis à bout, j'ai juste à regarder par la fenêtre. La sale odeur et la vue du cimetière me donnent mal à la tête. Ici c'est pas la fête, et pas que vers Panamec. Comment se fait-il qu'un gars né en France soit analphabète? Comprends-tu maintenant pourquoi Zenz insulte la nation? J'sais pas pour toi, mais moi il me fout ta bouche, tu la narration. J'suis anti-état, je veux pas me faire avoir. Pour une minute de retard, ces gros fils de pute ne donnent pas le parloir. La douce vient la tranquillité, est un luxe, l'illégalité. T'as eu, tu vas goûter la pénalité de la rue 93. T'as entendu, t'as senti le mental. Vaut mieux pas une petite caisse, ni vendue, ni sentimentale. J'vais pas chanter que tout ici est beau et merveilleux quand je vois les frères fuyants et les chineurs de poubelles parfouillées ou de mes soi-disant racines. Alors je peux pas payer le billet. J'aimerais mettre là la frappe dans le globe, mais je risque de me casser le pied. Mon seul bien, le rap, t'inquiète pas que celui-là c'est le mien. Souvent je traque en train de danser le Mia sur du sol mouillé. Tu sais pourquoi ma banlieue est une bonne source d'inspiration? Parce qu'il était comme hiver sous les képis ou la transpiration. Conspiration contre la police, entre manifestations. C'est pour parler de tout ça que je viens présenter ma prestation. Arrestation pour une histoire de séquestration, mais on n'entend pas parler de corruption pour une augmentation. Je vais pas chanter qu'ici tout est magnifique alors tout est maléfique. C'est souvent de travers, ça t'est mal les flics. Vaut mieux pas savoir ce que pensent les soifards déterminés. Et ça recommence à chaque fois que ça foire. C'est le chant des soifards. Le chant des soifards. C'est le chant des soifards. Le chant des soifards. Obligé de crier ma haine avant de crier ma scène. C'est toujours accro pour plier la scène. C'est mieux que sniffer la scène. Tout le monde voudrait quitter la thèse, voudrait viser la tête. J'ai esquissé à vrai la vie d'ici jusqu'à en épuiser ma tech. Ici les soifards sortent les lames de rasoir. On les chape troués comme des passoires. Et une chance de poissard, faut que tu vois ça. Mais ne viens pas avec ton portefeuille, car rien que le fait de mettre ton pied dans ma ville te porte l'œil. On a trop faim, ils veulent nous faire croire que c'est notre fin. On connaît votre frein, y'a vraiment rien que vous n'entravez. La nuit je rêve que je suis blindé comme Escobar. Le jour j'ai mal aux poches, elles sont encore plus vite que mon estomac. On fuck les Schmitt, normal on veut gratter notre yébi. Mon doigt d'honneur est encore moins insultant que votre képi. Tu veux gratter mon gaffe sur les côtes de l'état. On t'a pas donné ta chance, t'étais dans le fond avec le bonnet d'âne. Tu connais ça, tu te sens kérave, car la vie a trop fait sa crevarde. Les liasses repartent et t'as tout le temps les gros césages choqués là. Patrie avec un gros pédard, c'est pas un flot de pédale. Pas d'opéra, mon concert est à l'hôpital. Chez nous on parle pas, on fait ce qu'on a à faire. J'aime pas les grandes gueules qui peinent à fourchi de leurs affaires. Tu poses trop de questions, on t'a pas appris à terre. Mais le pays est à terre, car ici la vie est amère. Pourquoi crois-tu qu'on est tous nerveux? Ici les haineux sortent comme une poussée de bœufs. Les dalleux, les environs se comptent par centaines. Quand ça descend sur Paname, les jours de fête c'est par trentaine. Pas gaffe de guerre, broyage, bicrave et braquage. Réchauffe la cage, tu peux déjà plier tes bagages. On a une faim de loup, on veut construire un empire. On a tellement les crocs qu'on foutrait le trash à un vampire. C'est le chant des soifards. Le chant des soifards. C'est le chant des soifards. Le son des soifards. C'est ça. 93, ma gueule. 9300 Montreuil. Le son des soifards.